7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. On fire, heureux d'être avec vous. C'est Francky dans la radio. On espère que vous avez passé un bon week-end. Vous avez fait la fête, vous avez été au resto, dans les bars, dans les boîtes. Ça y est, c'est ouvert, vous pouvez y aller. Hein. Et puis du son comme ça pour bien démarrer cette matinée, cette semaine de boulot peut-être, ou alors en vacances comme Stéphane qui est là. Et notre invité Didier Verchère qui est dans les studios de la radio. Nos petits déj, matin au croissant. C'est bien quand les invités t'emmènent les croissants, ça fait plaisir. Il va nous parler de son bouquin ce matin. Bah ouais, on va parler de Sibi. Ah, vous rappelez de ça? Ah, c'est vieux, hein, à l'ancienne. Salut Elodie du côté de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Bon réveil, belle journée, bon petit déj. On croissant, nous on est bien dans les studios 266 Faubourg Monnier. La radio sur Orléans. Avec George Michael, quel souvenir qu'il nous a quitté le 25 décembre. On est triste, bah ouais, du son qui arrive avec Ed Sheeran et du lourd. Hein. 7h08, Euronet dans la radio, c'est Francky, puis notre invité qui sera dans moins de 15 minutes. Allez. 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Et Francky, c'est bien le matin, on va parler de son bouquin Didier Verger qui vient juste d'arriver dans les studios. Nous, on est bien. Petit déj, et vous, ça se passe comment le matin? Ça y est, la reprise du boulot peut-être? Peut-être en mode vacances, eh bien, belle journée, bon petit déj, bon réveil. 7h, j'ai pas une pendule quelle heure. 7h05, 7h09, 7h12, il est 7h09 sur Radio Arc-en-Ciel. And the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love is handy for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Radio play, and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love is handy for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. body. Vous qui êtes des années 80, bah la CB, vous rappelez de ça? Allô, tu me copies? Bah c'était ça, hein. Il est notre invité dans quelques minutes. C'est Didier Verchère dans les studios de la radio arc-en-ciel et ça me fait plaisir de le retrouver. Vous aussi, Stéphane qui est là, bonjour, le poste radio allumé, bah oui. Son rayon de soleil dès 7h du matin. Bon, on est bien. Francky sur Radio Arc-en-ciel. Bah oui, c'est Francky dans la radio et puis aussi Caïs Beauté qui est là, radio allumé aussi. Salut Caïs. J'espère que vous allez bien du côté de, d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Olivet, le meilleur des souvenirs avec Edouard Maya et Steve Love. Heureux d'être avec vous. Nous, on est au café, on est bien. Vous, vous pouvez composer le standard si vous avez un message à faire passer le matin dans la bagnole. Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur la console 96.2 FM 02 38 43 48 00. Bah, c'est pas compliqué quand même, hein. 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Voilà. On vous souhaite une très très bon lundi avec le soleil qui va faire son apparition normalement tout à l'heure, mais quelques nuages, on vous en parle dans moins de 5 minutes, juste avant le son, le souvenir de l'été 2007 avec Steve Love. Salut Damien qui est là aussi, salut Francky, bonne journée, salut Christelle, ancienne animatrice radio, une nouvelle écoute ce matin. Et Francky, on est là jusqu'à 9h en tous les cas, notre invité qui arrive dans moins de 10 minutes, on va lui dire bonjour. Bah oui, Didier qui est dans les studios de la radio. Et puis Souvenir toujours avec Enrique Bailando. Un peu de soleil ce matin au réveil, ça fait du bien. Le soleil normalement devrait être là aujourd'hui, on vous en parle dans moins de 3 minutes et puis nos invités, on va lui dire bonjour et on l'accueille. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Bah oui, maintenant on va dire bonjour Didier Vercher, comment il va bien? Eh ben il va bien Didier, il va bien, 73, 51, 88 aux YL. Ah ok, mais j'ai rien compris, mais bon c'est de la CB, on va parler de CB ce cordialité, matin. Cordialité, salutations et bisous aux filles. Là, pour ceux qui connaissent bien sûr ce matin la CB, ils vont certainement comprendre ton langage. Citizen Band, on va en parler dans quelques minutes, le bouquin, la CB, ce réseau oublié, c'est vrai que pas mal de choses ont pris le dessus maintenant, peut-être des choses plus modernes, Didier. Oh oui, un petit peu quand même. Ouais. Ouais. Ça évolue aussi, heureusement d'ailleurs. Hein. Heureusement. Bah tout évolue dans la vie, tout évolue. Bon, comment il va depuis le... Il y a un moment qu'on s'est pas vu, ça fait quelques mois quand même. Ah oui, c'était un petit peu avant cette année COVID. Ouais. Le premier confinement, je crois, c'était ça. Ouais. Voilà, ça date à peu près de ça. D'un an, un peu plus d'un an, on va dire. Ouais. Oui, ça ne rejoignait pas. Hein. Ça passe. ça passe. Eh bien, bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel, on va t'accueillir dans quelques minutes pour parler du bouquin Citizen Band. Beau bouquin. que tu m'as préfacé, dédicacé. Mais oui, non, pas préfacé. Préfacé, c'est quelqu'un d'autre, ouais. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ah, ouais, bon, on va en parler. Belle préface d'un mec qui bosse en radio, justement, on vous en parlera. On va parler de radio, on va parler de CBI, on va parler de plein de choses avec toi dans quelques minutes. Tu bouges pas, on est bien au café là, non? Qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal. On a eu droit au petit croissant ce matin. Ah, bah, c'est toi, merci. Bah, merci d'avoir amené les croissants. Il est sympa. Voilà, c'est la moindre des choses. Tous les invités, ils ramènent un petit truc, c'est sympa. C'est ça qui est bien de faire. Ouais, je vois que t'as plein de souvenirs derrière. Faudra un jour que tu les fasses voir. Faudra que je montre tout ça. Mais c'est sympa le matin quand les invités, ils amènent plein de trucs. En général, ils amènent des croissants, des choses comme ça. Ça fait plaisir. Bah voilà, c'est la moindre des choses. C'est pour ça que je fais de la radio, moi. C'est juste pour bouffer les croissants le matin. J'ai vu aussi que t'as pris l'embonpoint. Ça, c'est les pizzas, ça. Je suis sûr que c'est les pizzas, là. Bon réveil, sur Radio Français avec le meilleur des souvenirs. Eurythmics, Sweet Dream. Et puis notre invité qui arrive dans quelques minutes, on va parler de ce bouquin qui est disponible. Ça y est, Citizen Band, l'Incibi sur réseau oublié avec Didier Vercher en direct sur Radio Français. We'll be right back. d'ailleurs en ciel en direct avec Sweet Dream Real Mix, 7h30. Bon réveil, salut à Edouard qui est là, salut à Christelle. Ah, Christelle, je me parle de Canal 19, on va en parler justement avec Didier vers chacun de notre invité. Juste avant la météo, alors aujourd'hui, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Demain ça va se gâter, on vous en parle tout de suite. La météo. La météo sur la française, le ciel aujourd'hui est un petit peu nuageux avec quelques rayons de soleil qui vont faire leur apparition, donc profitez. Les températures iront jusqu'à 20 degrés, ça c'est la très bonne nouvelle. Par contre, ça va se gâter un petit peu. Ça va être mardi et mercredi après retour au beau temps. Donc aujourd'hui, profitez un peu de ce rayon de soleil et puis de la douceur avec Eros Ramazzotti. Bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una mera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Quelli che non hanno avuto ancora niente, che sono i margini da sempre, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, finché diventa di un solo colore, più vivo che. Radio Arc-en-Ciel, 7h34 minutes, Eros Ramazzotti, c'est basta, c'est una canzone. L'invité du jour, il est là. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Bah oui, maintenant, Didier Verchère, toujours dans les studios de la radio, c'est notre invité ce matin, on est heureux de l'accueillir. Merci pour ces beaux croissants, on se régale, franchement, Didier, qui prend des belles photos. On est en direct sur le 96.2 FM. C'est vrai que c'est cette année les 100 ans de la radio en France, Didier. Décembre 1921, première émission publique hein, depuis la Tour Eiffel, c'est ça? C'est tout à fait ça. Voilà, je crois que c'était 24 décembre, même, ouais, parce que mon Noël. 1921. Moi, j'étais pas né encore en 21. Ah, moi non plus. Personne, enfin, sur Orléans, je sais pas si on était né, peut-être. Il y en avait quelques-uns quand même. Ah, non, mais... Je sais pas si écoute la radio à ce temps-ci. Alors, il fallait son automne. Et puis, les 40 ans de la légalisation des radios, Libre FM, on se souvient dans les années 80, notamment Orléans, la grosse manif qu'il y avait. Mais ça avait bougé, hein, quand même, hein, avec des grosses radios à l'époque. Et puis, bah, ça a permis de se libérer aussi sur la FM, parce que c'est vrai qu'au début la FM ça faisait peur hein. Les radios pirates etc, il y en a eu pas mal. Ben non, oui, il y en avait pas mal à cette époque là mmh. c'était la pleine explosion, je me rappelle les manifs dont une certaine radio qui était avec un V voilà, ouais, je me souviens, et puis même avec un O, il y avait Orléans FM aussi. Orléans FM, ouais. Ouais, Orléans FM qui était dans une petite rue là pas loin d'où je bossais, ouais. Et on recevait souvent les animateurs à manger, ouais. C'était, et puis bah, Arc-en-Ciel arrivé quelques années après, parce que c'est une radio qui date des années 80, hein, ça fait 34 ans qu'elle existe la radio. Donc, oui, c'est ça, dans les années 80. Ah, on est des vieux, nous, ça y est. Eh oui. Ouais, moi j'ai mon siège de pépère, là, je suis bien installé. Ouais, je vois ça. Ça va, t'es bien installé, toi? Ouais, ça va, là, aujourd'hui, ouais, c'est bon. Ton siège, il est pas éjectable, non, ça va? Non, pas celui-là, t'as pas pris le fauteuil. J'ai vu qu'il y avait le Vasistas, ça s'appelle un Vasistas, ça, je crois, le truc qui est ouvert là-haut, non? Je sais pas si c'est. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait un Vasistas. Il est ouvert. On l'a bien senti tout à l'heure. Ouais, j'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait froid là-dedans? Mais oui, ils avaient laissé ouvert. Ah, c'est pour ça, tu vois, j'ai gardé la veste. Hein. C'est juste, s'il pleut, on va être inondé, quoi. Et ben, c'est aussi les 40 ans de la légalisation de la Citizen Band en France par le gouvernement de Pierre Mauroy. On se souvient de monsieur Mauroy. Hein. Eh oui. Hein, un grand bonhomme. Par la taille moyen, mais oui, ça a été un grand ministre. Sympathique, quand même, sympathique comme ministre, quand même. Il était plus sympa que les nouveaux, là. Avec un président qui s'était fait élire à l'époque, un petit peu par la CIVI, parce qu'il avait... Il avait appâté le poisson, quoi. Il savait qu'il y avait une grande manne de gens qui pouvaient... T'es malin, celui-là. Ah, ouais, c'était un petit malin, le François... François Mitterrand, voilà, qui est décédé, malheureusement. Ouais, on le salue au passage, ouais. François, mon vieux François. Là où il est, ouais. Il a dû rejoindre notre ami... Bébel. Quelle disparition, on va parler vite fait. Bébel, ça t'a... Enfin, toi, c'est ton époque. Ouais, bah ça m'a marqué comme chacun de nous, je pense. Ouais. Et puis, encore hier soir, là, je regardais sur une chaîne. Ouais, il y avait des films hier soir. On revoit, c'est toujours plaisant à voir. Ouais. Et puis c'était vraiment un artiste, une star. En tout cas, Macron, il a fait un bel hommage quand même. Bon, je sais pas s'il a tout dit, hein, mais. Il manquait des choses. Un discours qui était bien, ouais. Après, c'est pas facile de après, tout dire. Après, je sais pas, c'est bien lui, le discours. Hein. Tout est écrit, déjà. Ouais, c'est hein? Déjà des... Il a des gens qui sont là pour lui faire... Ouais, il a dit que c'était papier. Lui. Non, mais c'était... Moi, je l'ai trouvé... L'hommage, je l'ai trouvé sobre. Ah, il manquait peut-être une cascade de Macron. Un roulé-boulé. À la Bebel. Tac, badaboum. Ouais, tac, badaboum. Ouais, c'était ça. À la Macron, ouais, ça aurait été... Ouais, ça aurait été sympa de voir Macron arriver en roulade, là, dans l'Elysée. Ouais. On serait bien. Avec une petite phrase de la répartie, en se touchant les lèvres. Deux, trois claques au passage un des ministres, un petit nez aviron, ça aurait été bien, une petite claque. J'aurais des problèmes, moi. Oh là là, bon, si on ferme la radio, ça sera à cause de moi. D'accord. Bonjour monsieur Véran, vous allez bien? Imagine le mec a pas de bol, il écoute la radio ce jour là bip bip, il écoute ça sur internet là. Demain on sera plus là, malheureusement. Non, discrimination, il peut pas. Il peut pas, on est quand même en démocratie. Ah, on a le droit de parler un peu, non? Heureusement, on peut raconter des conneries le matin. Voilà, hein, on peut raconter que des conneries. Voilà, s'il ferme, c'est qu'il a un problème. Non, il faut savoir encaisser les critiques. Merci pour la petite dédicace du bouquin. Bah écoute, avec grand plaisir. En plus, je sais que t'es un grand lecteur. Donc, ah, moi je bouquine de tout, moi. Là, moi je lis tout et rien, moi. Tu risques, t'en connais pas mal, mais tu risques d'apprendre quelques petits trucs. Je vais apprendre des choses. Oui, sur la radio, je connais un petit peu, mais sur la CB, moins, beaucoup moins. Je suis pas un civiste. Et justement, on parlait de messages. T'as vu le message que je t'ai fait lire de Christelle? Oui, j'ai eu. Alors, 88 Christelle. Hein. Je lis le message qu'elle a mis, elle a mis deux. Alors, le canal 19 des routiers, et sur Orléans, le GCR. elle, si je me trompe pas, qui squattait le canal 27, une grande partie de mon adolescence, de très bons souvenirs, tout autant que mes souvenirs de Radio 5. Alors le canal, c'est quoi, c'est cinéma, GCL, non? Non, non, bah déjà, bonjour Christelle. Salut Christelle, hein, alors, les 88. Oui, le GCL, j'ai connu, hein, le président du GCL, c'était Monsieur Baudouin. Ouais, Baudouin. D'accord. Son fils est d'ailleurs photographe, avec qui je suis grand ami. Salut, Christian. C'est comme Baudouin. Ça qu'on s'est connu, hein, ouais. Avec Christian, c'est par le biais de son papa GCL. Mmh. Il faisait beaucoup d'assistance de courses en vélo, notamment sur le Loiret, ouais, qui était très connu. Et le GCL, le groupement des cyclistes du Loiret, voilà, qui avait leur QG du côté de la barrière Saint-Marc. Voilà, Christelle, si tu t'en rappelles, si tu étais là-haut ou autre, on s'est peut-être croisé à cette époque-là. Gros, a dit gros 88, je sais pas ce que tu veux dire, à Didier. Alors, voilà, c'est toi 88, c'est quoi? 88, c'est... Ouais. C'est un bisou aux femmes, c'est la forme de la lèvre. Ah ouais, moi je dis un 88 à Virginie qui nous écoute. Virginie, salut sur Arc-en-Ciel Orléans. Gros 88 alors, voilà. Moi je ferai les 212 à tous les auditrices et les auditeurs. Ah ouais, c'est quoi? C'est l'addition de 73, 51, 88. 73, c'est pour salutation, enfin cordialité. Ouais. 51, c'est salutation. Et 88, les bisous. C'est donc que des chiffres, en fait, la radio. Il y a du code. Alors, il n'y a rien de porno, il y a du code Q. Bah, si tu dis 69 à tous les... Non, 69, c'est un code. 99 à la limite, c'est un bon code. 55 à la limite, ouais. 33... qui était le bisou entre femmes, mais il y a plein de chiffres. Il y avait 144. Ils sont passés les filles. Hein. Passer en 144, c'est aller se coucher. C'est passer en polarisation horizontale au niveau de l'antenne. Ça c'est bien l'horizontale. Voilà. À l'horizontale, moi j'aime bien moi. Voilà. Et quand on disait passer en 144 plus 2, c'est-à-dire qu'on allait se coucher, mais pas tout seul. Eh ben ouais, merci Didier. On va se retrouver plusieurs fois dans cette émission, cette belle émission. Citizen Band, on va en parler dans quelques minutes. La CIBI, ce réseau oublié, Didier Bercher, Ludivine Marie et Jean-Guy Brett. Hein. Voilà. Ils ont bossé avec toi. Ouais, ils ont bossé sur une partie du livre. Ils ont leur part de travail. Hein. Ouais. Jean-Guy a été mon principal correcteur parce que écrire c'est bien, mais on a aussi des problèmes de français et puis de tourner des phrases. Moi je sais pas écrire. Voilà. Enfin moi j'ai écrire mais je fais plein de fautes. Hein. Faut pas trop qu'il y ait de fautes. Ouais. Hein. Ah oui. Et bah. Puis je vais faire en même temps un petit clin d'œil aux deux Nicolas. Mmh. Qui ont été des relecteurs d'avant publication et surtout en même temps un petit kiss à ma frangine qui m'a aidé au niveau de la mise en page et enfin la pagination. Salut la frangine. Salut la frangine, je t'embrasse, je sais qu'elle est derrière. Ouais. Et d'ailleurs j'irai la voir tout à l'heure parce que j'ai un livre. Bah, on va passer la voir, on va venir boire un café. Comment s'appelle ta frangine? Elle s'appelle Sylvie. Salut Sylvie, on déboule tout à l'heure. Didier, on va parler de notre bouquet dans moins de 3-4 minutes, ça te va? Pas de problème. La CIBI, ce réseau oublié. Eh ben on va voir si c'est vraiment oublié, on aura peut-être des auditeurs qui vont nous appeler. En tout cas c'est du soleil. Le soleil est au rendez-vous aujourd'hui jusqu'à 23 degrés. Voici Annemie Kama dans la chambre, ça veut dire peut-être encore dans la chambre, peut-être dans la voiture comme Virginie qui nous écoute sur 96.2 FM. Et c'est Nicky Yam. Buscando de ardir, habito de Lacroix-Ciel dans la chambre. Peut-être encore vous dans le lit à 7h44 en direction de Lacroix-Ciel, Nicky Jam avec Anne-Mi et Kama. L'invité du jour, il est là, c'est Didier Verchat. Puis on a Christelle au téléphone en accueil tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est Mince. Allô, c'est comme ça qu'on dit, tu me copies, Christelle? Francky, gros 88 à toi, gros 88 à Didier. Ah bah voilà, bah moi j'y comprends rien, mais en tout cas Didier a très bien capté ce que tu voulais dire. Sans problème, 100% QSL, Christelle. Ça va les cibistes? Oh, ça va très bien, c'est vrai que les postes, les présidents, les antennes qui bougent sur les toits des voitures, tout ça c'est des souvenirs phénoménaux. Mais je voulais savoir si Didier, des noms comme Bébé Phoque, Champagne, Étoile Filante, Puma, ça lui disait quelque chose? Oui, oui, oui, Bébé Phoque, c'était Bernard, hein, c'était le président du GCL. Ouais. Tu as dit l'indicatif d'une YL aussi, j'ai tant. Tu as dit juste après Bébé Phoque. Champagne. Champagne, oui, oui, c'était, il faisait partie du bureau, oui, c'était son vice-président. Ah, moi, Champagne, c'est ce que je picole le week-end. Voilà. Oui, mais toi. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je me rappelle. Voilà, et puis, il y avait Étoile Filante qui était sa secrétaire, je crois. Et sa femme. Ou sa femme, exactement. Ah, oui, qui était la maman de Christian. Et c'est qui ça? C'était non. Qui sa maîtresse, c'était qui sa maîtresse? Voilà. Ah, vous rappelez les anciens, là, vous rappelez des bons souvenirs quand même? Ah, oui, oui, oui. Je me souviens, j'étais vraiment une ado et on faisait la sécurité sur le terrain d'évotion pour les mob cross, pour des choses comme ça avec Bébé Phoque. C'est vraiment des souvenirs grandioses, quoi. T'avais une grosse antenne, toi, Christelle? Bah non, mais c'est vrai, parce qu'elle était adolescente. Elle était adolescente. Non, mais voilà, elle devait avoir juste un portable. Je dépendais du matériel de mon papa qui était Puma 45. Ah d'accord. D'accord. T'as connu les rendez-vous aux champignons, mais avant il y avait les rendez-vous au niveau de la gare d'Orléans, enfin l'ancienne gare. Oui, les chasses aux renards. Les chasses aux renards. GCL existe, les premiers rendez-vous, j'avais une dizaine d'années, on se retrouvait sur le parking de l'ancienne gare. La vache. Et là je vois mon ami Francky qui est en face de moi, là, derrière la vitre, et qui me fait des grands yeux. Non mais c'est bien de se rappeler des souvenirs comme ça. La chasse aux renards, alors, bon, c'était pas une chasse animalière, hein, c'est une chasse, pour expliquer un petit peu aux auditrices, aux auditeurs, qui était une recherche de véhicules qui allait se cacher, qui faisait une porteuse qui envoyait de la musique pour qu'on le recherche. Alors, il y avait plusieurs systèmes pour la rechercher. Je l'explique d'ailleurs dans mon premier livre. Je sais pas si tu es au courant de l'écriture de mon premier livre. J'ai vu ça sur la page de Francky et j'espère bien pouvoir le trouver et le lire et ne me renouveler. Ah ouais. Bah écoute, il y a pas de problème, je te le dédicacerai et j'espère que je pourrai même te le remettre en main propre. Je serai d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais je serai au Festival de Loire pour dédicacer le dernier sorti et j'aurai dans ma mallette, j'aurai deux ou trois anciens, enfin deux ou trois premiers livres. Si tu passes par là ou à l'occasion, on prendra rendez-vous. Ouais, on prend un quart. On se fera un petit contact gastro solide, liquide, comme tu veux. Voilà. Pas de soucis. Bon, bah, Christelle, je sais que tu vas à l'école, là, tu m'as dit. Enfin, tu vas emmener ta fille. Oui, j'emmène ma fille à l'école. Alors, je vous fais des gros 88 à tous. Ouais, ok, et ouais. Puis, bonne émission et à très, très bientôt. Ok, bah écoute, Christelle, merci à toi. Au plaisir de recroiser les aériens, comme on disait dans le temps, c'est-à-dire de se revoir. Mmh. Et bah, voilà. Merci, Christelle. À bientôt. Allez, de 12 au QR1. Bon, ok. Voilà, de 12 au clair. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, moi, je te suis à fond, Didier Verchère. Alors, ce livre, 216 pages pour une plongée dans les abîmes, c'est ce que tu dis, du monde de la radiocommunication. C'est important, toi, de reparler justement de tout ça, de ces souvenirs, et puis de les mettre en avant aujourd'hui. Bah, c'est important, oui, parce que il faut le faire tant qu'on peut encore le faire. Mmh. Il est vrai que, comme on l'a marqué dans le titre, la CB, ça a marqué quand même son époque. Hein. Ça a été, faut pas l'oublier, le premier réseau social, bien avant les Facebook, Snapchat. Ah ouais, bah bien sûr, il y avait pas tout ça à l'époque. WhatsApp et tout ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Twitter. pour pas marquer les, pour pas dénommer les. On les peut, noms. Hein, ouais, on peut. On peut. Wow. Et effectivement, oui, ça a été quand même quelque chose qui a énormément marqué. Mmh. Ça a été la première arme anti-radar à l'époque, surtout en 92 avec la sortie du permis à points. Tout le monde s'appelait, hein, sur le réseau. Attention. Alors, c'est ce qui a causé un petit peu le ressort, enfin la remontée de la Citizen Band, mmh. mais en même temps le début de son déclin, parce qu'on avait affaire à beaucoup de monde qui n'était pas vraiment des opérateurs et des opératrices radio. Mmh. Ils n'étaient pas là pour le plaisir, mais plus pour l'information et la déconnade. Et c'est vrai qu'avec cette histoire de, alors on dira pas chocolatine, on dira pas en chocolat, c'est tous ces petits postes qui ont été vendus par les grandes surfaces pour se servir, pour informer de la situation routière. C'est vrai que ça a mis un petit coup de bien, de booster, et en même temps un petit coup de mal. Ça a un peu énervé aussi les forces de l'ordre, non ? Je le décris un petit peu dans le livre. Pardon, un petit peu de. Ça a énervé un peu les forces de l'ordre aussi. Ah non. Oui, ça ils aimaient pas trop. Hein. C'est pour ça que. C'est autorisé, hein, la bagnole. La CB n'est pas interdite. Hein. Ouais. Alors, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Hein. Ah oui. Non, la CB n'est pas interdite. Le téléphone portable, l'utilisation, oui, mais pas la CB et pas l'utilisation du. On a le droit de faire de la CB comme ça en roulant. Oui, oui, tout à fait. Hein. Ah ouais, il y a pas d'amende. Il y a. Bah, c'est ça un va dépendre de concentration sur la route peut-être. Voilà, si on tombe sur un agent verbalisateur un petit peu tatillon, il peut nous servir une amende de catégorie 2 ou 3 ou 4, enfin je sais plus, qui est de l'ordre de 35 euros, parce que on peut déterminer qu'on n'est pas maître à 100% de son véhicule. Ouais. Donc il peut nous mettre une amende qui est minorée à 22 euros pour l'utilisation, enfin pour non-maîtrise du véhicule, mais par contre il n'y a pas de perte de points. Mais à 95%, moi j'ai eu l'occasion d'avoir des forces de l'ordre dans ma voiture à l'époque. On avait le micro à la main, ils nous disaient rien. Même là encore aujourd'hui, il y a un petit peu de personnes qui ont du matériel CB à bord des véhicules, qui modulent qui discutent en roulant. Et les forces de l'ordre, bon, disent trop rien, quoi. D'accord. Donc, un réseau qui est toujours présent chez les routiers? Il y a un réseau qui est encore un petit peu présent et qui revient. D'ailleurs, je salue tous les amis de la route, les avaleurs de bitume. Il y a un réseau qui est présent et qui commence par le biais d'une application dont j'avais parlé la dernière fois, qui est fait par la société Midland. Donc c'est l'application CBTalk qu'on peut télécharger gratuitement sur son téléphone, smartphone, iPhone, peu importe. Et par le biais de cette application, en France notamment, la CB a tendance à revenir parce que ça permet, si tu veux, aux amis routiers, aux usagers de la route, de retrouver un petit peu ce côté solidarité, ce côté information. Mmh. Et ce que j'apprécie, c'est qu'en rediscutant avec des nouveaux routiers qui connaissaient pas la CB, qui avaient moins de 30 ans, ce que j'apprécie, c'est que ça leur donne envie de reprendre la CB et de réembarquer un poste avec eux. Donc, il y en a qui se remettent à acheter des postes. Ah ouais, ça revient. Il y a un renouveau, il y a un sens de renouveau et. Ah, les points de vente ont diminué quand même. Le problème aussi. Il y a les points de vente. Alors les points de vente maintenant c'est uniquement Internet. Internet, les sites des sociétés. Il y a quelques revendeurs mais très peu. Avant il y en avait pas tous les coins de rue mais il y en avait beaucoup. Et puis il y a plus de magazine, il y a plus rien. Je suis sûr que si jamais il y avait un magazine de CB qui ressortait national, je pense à peu près qu'il pourrait faire du chiffre, c'est intéressant à refaire. Quand on était jeune, on reconnaissait le gars qui écoutait de la CB, il avait l'autocollant derrière, hein, le gros. Ouais, autocollant. Il y avait marqué CB numéro 1, voilà, Euro CB, président Midland, numéro 1, numéro 2, voilà, cliquez à bord, comme on disait. En tout cas, c'est un réseau qui est oublié, qui essaie de le refaire vivre avec à travers ce bouquin, ce réseau oublié, vous dites. Disons que moi, non, j'ai pas la prétention de vouloir faire revivre uniquement à moi tout seul ce réseau. Ça serait prétentieux de ma part. Mais bon, on l'a toujours. Moi, j'ai jamais oublié ce que la Citizen Band, la CB m'a apporté, ce que j'ai pu lui apporter, ce que j'ai vécu. J'ai vécu plein de bonnes choses. Pas que des bonnes, mais de très bonnes choses avec. Mmh. J'ai fait aussi pas mal de choses. Mais, c'est surtout de pouvoir, lui donner un petit, un coup de booster. Et profitant de mes compétences et connaissances en la matière, j'ai envie d'apporter ce que je peux pour redonner envie et pour en même temps servir de témoin. Mmh. Et ce qui est dommage un petit peu, c'est que beaucoup de monde ont connu la CB. Bon, les moins de 30 ans ne peuvent pas trop en parler, comme dirait une certaine chanson. Voilà. Ouais. Ouais, les moins de... voilà, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais voilà, on tente de le remettre, et il faut savoir que sur un certain réseau social, pour ne pas le nommer, Facebook, il y a énormément de... Ça a tout niqué, Facebook, hein. Voilà. Faut être honnête. Entre autres, ouais, mais ça permet aussi... Bon, ça aide aussi. Ouais. Les gens, ils voient les réseaux sociaux, mais des fois, sur certains sujets, ça peut filer un coup de main. Voilà, c'est comme ça que tu as su que j'avais ressorti un troisième bouquin. Voilà, les bouquins, je vois des choses, on se contacte, tiens, lui, il fait ça, ça m'intéresse. Il y a beaucoup de groupes qui se défendent, mais il y en a des très costauds qui existent, dont Sibi Passion, qui est d'ailleurs tenue par Ludivine Marie, qui est ma co-autrice. On en parlait justement, ouais. Voilà, et puis bon, il y a des sites internet aussi, ça reparle de Sibi, et c'est pour ça que dans certains sites ou sur certaines choses, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas tout à fait vraies. Ouais. Donc j'ai profité du fait d'avoir les 100 ans de la radio, les 40 ans et tout ça, pour écrire un triptyque, un troisième bouquin pour clôturer un petit peu, ouais, un dernier. Après, bon, on dit jamais 200 voilà, points. La place aux autres. Ouais, bon, c'est bien. Et de vouloir remettre les choses en place, parce que la Sibi, telle qu'elle est décrite dans certains sites, n'est pas tout à fait ce qu'elle a été au départ. On va en parler. Voilà. Avec ce bouquin, 236 pages, c'est ça? 216. Ah, j'en ai rajouté, moi. Oui, au cas où, t'as oublié. Ça m'étonne pas de toi, t'es toujours en train de rajouter. Didier Verchère, Ludivine Marie et Jean-Guy Brett, ce bouquin, on en parle, justement. On va en parler du contenu dans quelques minutes avec toi. On va parler de la préface aussi de Sébastien Ponchelet, animateur radio. On va parler de ce fameux bouquin. Tu vas me dire ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai envie de savoir vraiment ce qu'il contient. Ah, on va te le dire, alors, sans problème. Juste après la Camisa Negra, on y va? À tout de suite. C'est parti. Sé que tú ya no me quieres, y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno. Me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno. Respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé, y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber el veneno. Yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo. Radio Roncel en direct, il est bientôt 8h avec Juanes, la Camisa Negra, notre invité. On parle de Sibiu aujourd'hui. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour jusqu'à 9h avec nous dans les studios de la radio, Citizen Band, la CIBI, ce réseau oublié, Didier Vercher est dans les studios de la radio en direct, 96.2 FM. Bonjour Didier, rebonjour pour tous ceux qui viennent d'arriver, se connecter dans les voitures. On va parler de CIBI ce matin avec toi mon Didier. Et ce bouquin que tu nous as amené, que tu nous as dédicacé, on te remercie d'ailleurs, et puis merci pour les croissants aussi. Réseau oublié, c'est ce que dit Martine, c'est vrai qu'on n'entend plus du tout parler de CIBI depuis des années. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, c'est ce qu'on disait dans le passage précédent. C'est vrai que la CIBI, bah, elle est... J'entendais beaucoup de gens qui me disaient non, non, elle n'est pas oubliée, on ne l'est pas oubliée. Parce que peu quand même. Ce sont que des gens qui sont des utilisateurs qui sont dans le milieu de la CIBI. Donc tant qu'on y est, on n'oublie pas. Mais c'est vrai qu'autour c'est ça. De ça, il y a plein de gens autour. Mais les gens lambda bah, qui vont au boulot le matin, qui connaissent voilà, pas, ils ont connu, mais si on n'en parle pas, bon, bah, pour eux. Voilà, c'est intéressant aussi. Ouais. J'ai eu l'occasion de vouloir présenter mon livre dans une librairie d'Orléans que je nommerai pas. Vas-y. Mais bah ouais, il faut. Et bon, c'est quoi là? Voilà, et je suis tombé sur une petite jeunette. Ah bah la pauvre. Sympathique, mais c'est quoi la CIBI? J'ai dit, ah bah oui, effectivement. Bah ouais. Justement, vous devriez avoir un livre pour présenter si jamais. Ouais. Et bon, voilà quoi, c'est. Elle connaissait pas, donc je lui ai un petit peu expliqué. Voilà quoi. Ouais. Elle tombait un petit peu dénue. Bon, c'est normal aussi. Et, voilà. Par internet, connaît que ça. Elle me dit, c'est has-been. C'est pas si has-been que non, ça. Non, c'est pas has-been, justement, un beau bouquin qui sort. Dans ce bouquin, avant de parler de la préface de Sébastien Ponchelet, puis de tes co-écriteurs, on va dire. Non, alors Sébastien, non, il nous a fait la préface mais ceux qui ont écrit avec toi, Ludivine, Marie et Jean-Guy Brett. Oui, ouais. Ils sont co-auteurs, voilà. J'ai cherché le terme dans ma tête. Voilà, j'ai eu l'idée de ce troisième livre, et comme je les connais, je les côtoie depuis quelques années maintenant, par le biais de l'application, et Jean-Guy, que j'ai connu un petit peu avant, par le biais du premier livre, parce que ça a été un de mes premiers lecteurs, parce qu'on a un parcours qui est parallèle. D'ailleurs, je sais qu'il est à l'écoute, il est en Vendée, il est dans le 85. Ah, bah, salut, du côté de la Châtaigneraie. Salut la Vendée. Et je le salue, hein, je te fais un gros bisou, Jean-Guy. Il était il y a pas longtemps sur Orléans, il est venu là, avec son YL. Ouais. Il est venu voir son YL, c'est sa copine, sa concubine. Ah, il est venu. Oh, bah, bonjour à toutes les YL, ça m'attend. Elle est venue passer un petit casting, là, pour une, enfin un truc de chanson là, une comédie musicale, il y avait un casting, elle chante un petit peu. C'est bien ça. Et donc elle est venue, on a profité pour faire une petite séance de dédicace, c'était assez épique d'ailleurs dans un troquet là, sur un coin de table de sympatoche, ouais, de signer quelques bouquins. Ouais. 216 pages, ouais, de bonheur facile. Ils sont rentrés de Marrakech là, mes potes, je les salue au passage. Des potes qui rentrent de Marrakech, donc je leur fais un petit coucou en même temps, ils m'ont des messages, tu vois. Je vois que tu as reçu un petit peu de... J'ai pas mal de messages. Je te vois dire un petit peu dans le temps. Je sais pas s'il y a des civils au bled, à Marrakech. Ah, il y en a un petit peu, ouais, on en fait dans les X, Maroc, Algérie. Ouais, bijou, monsieur, tu me copies là, ou quoi? Ah. Je rigole, c'est cliché ce que je dis, mais bon. Voilà, parce que ce qui était bien dans la CIBI, même dans la radio en général, c'est qu'on a un code, enfin, il y a un code universel qui est repris des radios amateurs, et qui est repris de beaucoup de choses. Ouais. On explique un petit peu dans le livre, dont le fameux code Q, qui commençait toujours par la lettre Q. Avec Joël et Olivier, on est mal barré. Mais là, il n'y a pas de censure. Hein, c'est open. Hein. Et dans ce fameux code qui a été repris de l'armée, enfin, je ne vais pas tout expliquer. Si tu as des plans avec l'armée, tu peux nous le dire. Hein. Non, c'est des trucs. Là. Et donc, voilà, ce code Q, la lettre Q commençait par question, parce qu'on faisait toujours question-réponse. En radio. Ouais. Voilà, QRA, voilà, l'habitation. Donc, QR après, code, maintenant c'est QR code. Ah oui, maintenant c'est QR code, c'est pas la même chose. C'est pas le même cul. C'est notre fesse. Voilà, c'est la droite ou la gauche. Voilà, comme vous voulez, on le prenait, nous c'est de l'humour. Donc voilà, donc avec les opérateurs radio, les OM ou les Young Lady, donc les YL, qu'elles soient dans le monde entier, comme on a le même code, quand on parle pas la langue, on peut se codifier avec le code OAC. Ouais. Ouais. Voilà, le code Alpha, Bravo, Charlie, Tango, tout ouais, ça, bah, qui, ça est, qui est connu, c'est le code de l'armée, de l'armée, mais surtout de l'aviation civile. Voilà. Pour, Le J, c'est quoi Juliette. Et le O c'est Oscar. Salut, Juliette et Oscar qui nous écoutent. Voilà. Voilà, je leur passe un message. Ça a été du par cœur. J'étais incollable au niveau du code Q. Ouais, c'est bien. Tu m'en copieras 40 pages pour demain. Ah, mais sans problème. Ouais, hein, sans problème. Pas, hein. 40 fois l'alphabet. Donc, ce bouquin intéressant, qui parle de CB, justement, comme tu dis, ce réseau oublié, qui est préfacé par un animateur radio. On la salue, cette radio, c'est Radio Vinci. Vinci Autoroute, autorisation. Ouais. Quand vous partez en vacances, 177, c'est ça, hein? Ouais, c'est ce qui vous coupe toutes les attention, dents. Attention, accident au kilomètre 4. Voilà. Véhicule à contresens, travaux. Ah merde, ça c'est un vieux ça. C'est très pratique. C'est très pratique d'avoir ce ouais. style d'information. Je suis parti à La Rochelle l'autre jour, là, il y a un petit vieux, le pauvre, il m'a fait flipper, il a pris une route en contresens. Ah ouais, j'ai flippé, ouais, ça fait peur. Et c'était l'avantage qu'il y avait aussi à la CIBI pour rebondir dessus. J'ai croisé Gilbert Montagnier à côté, c'est pour ça. Enfin, j'avais un vieux à côté Gilbert Montagnier, alors je t'explique pas. Ouais. Ça devait être pas facile pour lui. Gilbert, avec sa canne, il suit la route avec le monde. Il se mettait sur le monde sur la ligne de sécurité. Ouais, voilà. Sur la ligne de sécurité, c'est comme ça qu'il conduit, hein, il m'a dit. Hein. Bah, ouais, j'ai un ami que je salue aussi. Sa femme, c'est ce qu'il dit. Bah, comme il a jamais vu sa femme, le pauvre. Tu sais, donc ouais. C'est ce qu'elle me dit tous les jours. Ce qu'on se côtoie avec Gilbert. C'était une petite préface que je voulais faire. T'es méchant. Non. J'en profite pour saluer Maurice. Ah, tu connais Gilbert, mais tu connais pas Maurice. Maurice, animateur radio. Non, Maurice, c'est un ancien routier et qui malheureusement a été victime d'une maladie oculaire. Ouais, et bon, il perd la vue. Donc son prénom c'est Maurice. C'est Corsair 85. Il est non-voyant. Une personne qui est formidable. Je recevrai justement une association de non-voyants bientôt là ici. Non mais sérieux, j'aime bien déconner, mais j'aime bien aussi faire des sujets sérieux. On le taquine avec ça, j'ai rigolé dernièrement parce qu'il est passé avec Jean-Guy sur une TV locale, une web TV. Et plusieurs personnes qui ne le connaissent pas m'ont dit ouais mais il se prend pour une star, il a des lunettes noires. Après, les gars, il faut atterrir. Regarde, moi Gilbert Montagnier, ça fait 3 ans que je l'ai invité, ça fait 3 ans qu'il cherche la radio. Il a qu'à nous appeler en fréquence, on lui fera un petit radio guidage. Voilà, on va parler de ce beau bouquin que tu as écrit. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Didier Verchère avec Ludivine Marie et Jean Guibert. Alors Guibrette, pardon, excuse-moi si nous écoute, ouais, que j'allais pas me faire revirer à cause de ça. Alors on parlait de la préface justement de Sébastien Ponchelet, animateur radio sur Radio Vinci 107.7. Alors comment vous avez contacté Sébastien? Disons que Jean-Guy a eu la chance un petit peu auparavant de rencontrer, enfin par téléphone, Sébastien pour lui parler d'une petite opération justement qu'ils avaient fait avec Maurice et certains routiers. Mmh. Maurice étant un ancien routier et pratiquant encore un petit peu la radio sur la fameuse application que je parlais. Mmh. Cette application, elle a un micro qui nous permet de moduler, de parler, qui était très avantageuse pour lui. Et certains routiers, je salue des gens d'une fréquence RTA, mmh. ont fait une petite... ils ont cotisé, ils lui ont offert le micro. Ils sont venus lui amener, c'est un chauffeur routier, Quepont, qui lui a offert qui est venu lui porter le micro là-bas du côté de la Châtaigneraie. Mmh. Et Sébastien Ponchelet a été au courant de cette affaire et bon, l'a fait passer, interviewer Jean-Guy, qui était l'instigateur avec RTA de cette petite... acte de solidarité. Ouais. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Et quand on a écrit le livre, on cherchait une préface qui puisse parler. Coïncider aussi avec voilà. Et là, on a vraiment eu la possibilité. C'est sûr que vous n'aviez pas demandé au mec de Playboy de faire la préface. Non, ça aurait été pareil. Voilà, on avait plusieurs noms. On a opté par le biais de Jean-Guy de Sébastien. On s'entendait pas à ce qu'ils nous disent oui. Et comme c'est le nouveau Max Meynier, faut savoir que du lundi au jeudi sur 107.7 de 21h à 23h il anime donc son émission. Alors c'est pas les routiers sont sympas, c'est les routiers sont toujours aussi sympas. Alors on va expliquer parce que les jeunes qui écoutent sur la radio aussi, Max Meynier c'était un animateur radio sur RTL qui faisait une émission qui était sympatoche, hein. Les routiers sont sympas. Voilà, donc il discutait. C'est là d'où vient l'expression les routiers sont sympas? Pardon? L'expression les routiers sont sympas, on dit toujours ça. Ça tient toujours. Hein, oui, ça tient toujours. On le voit, il y a toujours des autocollants avec qui sont remis un petit peu au goût du jour. Et c'est vrai que les routiers sont sympatoches. Ils sont sympas. Bon, pas toujours. Mais on les salue ce matin. Ah, on les salue. Joël Olivier, là, les routiers de Saint-Yves, là, ils sont sympas. Je les salue au passage. Ouais, bah moi je salue toutes les OM, parce qu'il y a de plus en plus de femmes. Hein, ça c'est bien démocratisé. Ah, faut pas l'oublier. Et il faut pas oublier de saluer les femmes qui sont au volant. Et des fois, ça fait, je dis pas que ça fait peur, mais ça fait drôle de voir des petits gabarits comme ça en train de conduire des gros. La CB pas trop connue, c'est ce que dit Joël. Il m'envoie un message. Je vais pas dire le mot d'avant parce que c'est un gros mot. Je suis trop jeune, je connais pas. Ben on va lui apprendre à connaître. Hein, voilà, il faut qu'il. Joël, attention parce que lui, il aime bien les cours privés. Lui. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu peux le voir, y a pas de problème. Ben, sans problème, hein, on lui expliquera. Alors, la CB, c'était un moyen de communication entre deux personnes. C'était un émetteur qui faisait émetteur-récepteur et qui permettait sur une fréquence, donc sur le 27 MHz, entre autres, de pouvoir discuter d'un lieu à un autre sans se rencontrer ou en se rencontrant après. Voilà, c'était un autre système que le téléphone. Ah oui, c'est sûr. Sympathique et sûr. Voilà. il me remercie. Voilà, merci Joël. On va parler de ce bouquin. On peut retrouver quoi à l'intérieur de ce bouquin alors, 216 pages quand même. Il y a quoi 216 dire pages, mais c'est pas des pages blanches. Hein. Non, il y a un petit peu de lecture. Une question. Il y a pas de photo. Non, il n'y a pas de photo, c'est un choix. T'avais pas de. Pourtant, des photographes. Venant d'un photographe, c'est. Si, des photos, on aurait pu en mettre, mais bon, déjà, c'est pas le même prix au niveau de la publication. Ouais. Après, bon, il y a une mise en page, après, il y a un choix de papier, de grammage, tout ça, c'est assez compliqué. Le prix du livre à la sortie n'est pas le même. Et puis, s'il y a des photos, maintenant, il y a des réseaux qui sont parallèles, tels que les réseaux sociaux, et on peut retrouver tout un tas de photos. Après, on met des liens, peut-être, des liens. Voilà, avec des liens. On a d'ailleurs un lien, je vais sauter sur l'occasion, puisque tu me tends l'antenne. Je te tends quoi? La perche. La perche. Heureusement que c'est que la perche, parce que on est séparés par une vitre, hein, vous inquiétez pas, on vous enverra quelques photos. c'est pour ça qu'on a pu enlever le masque, entre autres, et que c'est désinfecté, on a tout pour les mains. On a lacrymogène, tout. Nous, on est sécurisés, on a une vitre par balle, en cas où ça part en live avec l'invité. Moi, je suis dans un bloco, ça, t'as vu, je suis séparé. Il est en train de me faire perdre le fil de mes idées, là. On aime bien se taquiner avec Franck. Ah, j'adore. Et puis on se marre bien. Et donc, voilà, c'est 216 pages sur une immersion totale dans la genèse de la radio, l'invention de la radio, donc la radio communication et la radio diffusion, qui sont pas la même chose. Là, on est en train de faire de la radio diffusion parce qu'il y a pas on n'est pas en émetteur récepteur, on est simplement qu'en émetteur. On envoie des informations. Voilà, on envoie des informations. On diffuse de l'information et quand on fait de la radio communication, là, on parle par le biais d'un casque, mais quand on fait de la radio communication, on peut parler de l'un à l'autre. Voilà, la télé, par exemple, c'est de la radiodiffusion. C'est de la télédiffusion, de l'image diffusion. Voilà, on peut pas interconnecter directement avec les animateurs. Ce qui est bien, c'est que ce matin, vous allez apprendre plein de choses avec toi. Hein, je suis là pour ça. Ouais. On se fait une petite pause musicale. Allez, on se fait une petite pause. Et ce matin, vous allez partir comme des warriors. La CB, c'est quoi? C'est qui? Justement, il est là pour nous en parler avec son bouquin qui est sorti, Citizen Band. Notre invité, c'est Didier Verchère. Les souvenirs de la radio française avec Camaro et Femme Like You. Et Didier, notre invité aujourd'hui jusqu'à 9h moins le quart. pour un mec à dame, baby, baby. Si tu savais comme je t'aime, baby, baby. Crois-moi que l'atmosphère est parfaite. Tu sens plus que sur la forme de mer. Plus de voix qui se rencontrent, plus d'histoires qui se racontent. Une chanson pour le dire, y'a les mots, les images pour le décrire. Les rencontres anciennes, la flèche, la ta magie sur scène. Le rideau va s'éterminer, une belle courbe. Direct, 8h17 minutes, donne-moi ton cœur, donne-moi ton corps, baby. Ça sera appelé d'un terme sibiste, ça, hein. Oh, ça c'est fait. Ça, c'est déjà fait. Oh là là, notre invité aujourd'hui, c'est Didier Verchard, monsieur de la radio, on l'accueille. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est ma... Allô, tu me copies, Didier, c'est Tizen Band, la CB, ce réseau oublié. On va parler de tes co-écriteurs, co-écriture. Comment ça co-auteur, co-auteur. Ouais, j'ai du mal à parler à la France ce matin, moi. On va parler de Ludivine et puis de Jean-Guy. On démarre avec Ludivine. Tu les as connus comment, ces personnes? Bah, comme je te le disais un petit peu tout à l'heure, Ludivine. En antenne. On a parlé, on a parlé autour d'une tasse de café. Voilà. Tasse en porcelaine, de Gien. Ouais, de Gien. De Gien, de Gien. De Gien. Ouais, j'ai oublié. Ludivine, je l'ai, alors je l'ai jamais rencontré. Ah, bon, ça va. Je l'ai, je la fréquente depuis que, d'abord, elle est dans le sud. Fais gaffe, ta femme, elle écoute, hein, si tu la fréquentes. Non, elle est pas à l'écoute, elle est partie au travail. Ah ouais, tu vas avoir des soucis que ta femme, des boules à la radio. Il y a d'autres personnes qui l'écoutent pour, pour elle. t'espionne. Elle a ses antennes. Et donc, Ludivine, je l'ai connue par le biais de l'application, Cibitalk de chez Midland. Mmh. Et on a sympathisé, on avait créé à l'époque une petite fréquence qui était utilisée pour les appels de détresse. On tentait de refaire un petit peu le même mouvement, un petit peu que le canal 9 de la fréquence Ibis sous une autre forme. Ouais. Et comme elle a une voix charmante et que c'est une personne qui est charmante aussi, voilà, on a fortement sympathisé. Et comme elle a beaucoup d'attrait au niveau de la CB, elle a un très gros passé de CBiste aussi, parce qu'elle est, comment dirais-je... Dans le sud de la France, son papa a été un grand défenseur de la CB, ouais, au niveau national et international. Il a fait plein de bonnes choses. Elle a été trempée dedans depuis l'âge de 13 ans. Elle est tombée dessus. Ah oui, comme Obélix dans les Gaulois, là. Ouais. Alors, elle, voilà, c'est ben, comme je le marque, hein, d'ailleurs, à l'arrière du livre. Ouais, tu l'as marqué, ouais. Donc, dans sa présentation, Ludivine Marie, tombée dedans comme un certain Gaulois mangeur de sanglier. Mais elle mange pas de sanglier, elle. Non, mais je sais pas. Ah bon, peut-être. Percée par le crépitement de la station de son père depuis son plus jeune âge. Mmh. Elle est très active sur les ondes et elle multiplie les contacts en longue distance sur 27 MHz. D'accord. Voilà, ouais. Donc on a sympathisé et elle a notamment prêté sa voix. Si vous mettez l'application Cibitalk avant qu'elle change de version, vous pourrez entendre sa voix. Sa belle voix. Pardon? Sa belle voix. Sa belle voix, sa douce voix, sa voix sympathique, féminine, sur la fréquence d'accueil de l'application en version française. Et voilà, et on va parler aussi de Jean-Guy Brett, alors? Voilà, alors pour revenir juste sur Ludivine. Ah, tu préfères la gonzesse, toi? Non, mais je passe aux hommes après. Je rigole. Oh. Ta femme va te gérer, hein. Fais gaffe, à cause de moi. Je vais faire incendier. Je suis un bordel dans ton couple. Hein, tu mets le feu, toi. allumez le feu. Tu pourras dormir là, si tu veux. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est grand, confortable. Sympa, hein. Ouais. Et donc, voilà, elle est animatrice et elle a donc lancé son groupe Facebook qui marche très bien, qui a plus de 3000 followers, donc Cibiste et autres. Et donc elle a son groupe sur Facebook qui s'appelle CB Passion, qui est bien achalandé, où on voit plein de choses sur la CB, questions-réponses et autres, c'est sympathique. C'est bien, et elle aime le DX, donc la liaison à longue distance, c'est-à-dire qu'elle parle, elle aime bien parler avec son poste. Il y a deux systèmes dans la radio CB, c'est la CB locale où on est en alpha mic, donc en amplitude de modulation, ou en FM, et puis on a la longue distance en DX où on est en BLU. Et ça passe voilà, on on peut faire suivant la propagation, suivant les ondes, suivant tout un tas de paramètres, on peut faire le monde entier. Ah, carrément. Ouais, ouais, carrément. Ah, on peut parler notamment avec tes amis marocains ou algériens. Ah, ouais, carrément. Ah, ouais, ah, ouais, tout à fait. On a eu des contacts. Bijou. Mais on a eu. Ça va. On a fait bien plus loin que ça. Hein. Ouais. Ah, ok. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Ce donc, elle est fan de ça. Et comme on a beaucoup de choses en commun, des parcours un petit peu parallèles, voilà, j'avais envie de leur laisser une petite place dans le bouquin. Et ils ont pris une belle place, sympathique, et ils racontent un petit peu leur vécu et façon féminine et après façon masculine avec Jean-Guy. Eh ben, en tout cas, un beau bouquin, Citizen Band. On va parler de, si tu veux, on peut en parler de Jean-Guy quand même. Ouais, on va un peu en parler. Puis je viens de recevoir, il vient de m'envoyer un petit message comme quoi il dit qu'on parlait pas de lui. Le pauvre. Salut Jean-Guy, alors moi, j'y connais rien, c'est lui, Jean-Guy. Ah ouais, une copie, mais. Une copie, c'est bon. Copie pas trop, hein. Donc, Jean-Guy, c'est un opérateur radio émérite. Mm-hmm. C'est un grand passionné. C'est un opérateur qui a présidé aussi, comme moi, une association en Vendée qui s'appelait Clarisse. Il faisait aussi beaucoup de radio guidage, d'assistance, tout un tas de choses. On a, sans se connaître au départ, on a fait un parcours parallèle et on a beaucoup de choses en commun sur la CB. Ouais. Et on a sympathisé par rapport à ça. C'est un homme qui est autodidacte, qui est formidable, que j'apprécie beaucoup. Et voilà quoi. Donc je ne pouvais pas faire autrement que de lui laisser une place dans le livre et le laisser écrire. En plus, comme il a des bonnes compétences au niveau du phrasé et au niveau de la langue française, il m'a permis de. Il a été mon correcteur principal. Maître Capello. Un petit peu, on va dire ça. Le maître Capello de la CBI. C'est ça. Voilà. Il y a toujours des techniciens pour réparer justement ce genre de matériel. Alors très peu. Il y en a. Alors il y en a qui sont par connaissance quoi. Mmh. Par connaissance, mais des magasins et autres qui vendent du matériel. Il y en a encore quelques-uns en France, mais très peu et. C'est pas évident quoi. Citizen Band, c'est le band, oh, ça fait marrer tout le monde ça. La CBI, ce réseau oublié, ouais, t'as vu le jeu de mots. Citizen, Citizen pour citoyen et band. C'était pas une marque Citizen de montre, je crois. Ah c'est venu. Montre, c'est en anglais, c'est citoyen, donc ouais. c'est le mot passe-partout. Mais voilà, la CBI, elle a toute une étymologie que j'ai souhaité revoir un petit peu et corriger certaines erreurs ou certains raccourcis qui ont été faits au niveau de la CBI. Mmh. Et j'ai fait un an et demi de recherche à travers le web, à travers pas mal de recherches. Et j'ai eu la chance, dans mes recherches, de tomber sur une thèse qui a été écrite par trois chercheurs en université en Pennsylvanie, aux États-Unis, et qui ont fait une thèse en 1977. Bon, cette thèse, elle est en anglais. Alors, je remercie Google pour la traduction. Ouais, mon ami Google. Hein. Salut Google. Google est mon ami. Et voilà, j'ai réussi à traduire. Est-ce que je comprenais pas? J'avais une amie aussi qui parle un petit peu, qui speak English. Et donc, elle m'a aidé. Et voilà, j'ai traduit. Il y a 16 pages qui sont consacrées à la CBI. Et ils expliquent vraiment bien le premier fonctionnement, le fondement de la CBI qui n'a pas été inventé par les routiers américains. Et qui a pris son essor dans les années 45-50 après l'après-guerre, mais qui n'était pas sur les fréquences de CBI que l'on connaît maintenant. Quoi. C'est le gouvernement américain avec toute la ressource qu'il y avait au niveau du matériel radio d'après-guerre, enfin de guerre, qui ont voulu se servir de ces fréquences et de ce matériel pour faire une fréquence citoyenne. Ils ont créé avec la Federal Commission Communication, ils ont créé un réseau et tout ça. Bon, je l'explique dans le livre. Et c'est après à l'arrivée d'un fameux composant qui s'appelle transistor, qui a permis le transistor, c'est la radio. Qui a rapetissé, qui a mini en plus petit le. Ça c'est l'ancienne. Hein, matériel à l'ancienne. Tu l'as le transistor là dans la cuisine. Alors, on l'avait le transistor en radiodiffusion. Mais il a servi aussi en composant pour réduire les radios qui à l'époque étaient des grosses radios très lourdes. Mmh. On les voit un petit peu dans les films de guerre, de débarquement et tout ça. Et c'est vrai que voilà, c'est une évolution depuis Claude Chappe, depuis le sémaphore, en passant par le sémaphore, c'était des gros moulins, si tu veux, tu sais qu'il y avait des bras qui s'articulaient. Ouais. Et suivant comment on articulait les bras, les gens au loin regardaient, ça donnait des codifications et ils s'envoyaient des messages. C'était le c'était l'après-fumée, signal de fumée. Il y a eu d'abord les années avec Geronimo, ils ont lancé les signaux de fumée, après il y a eu les sémaphores, après il y a eu Marconi, entre autres, qui a été précurseur au niveau de la télégraphie sans fil. Ça a été les premiers contacts avec les bateaux, le Titanic, tout ça, enfin il y a tout ça, je l'explique. Le Titanic, dans le livre. On a vu ce que ça avait donné. Hein. Et c'est là que la radio a servi quand même à sauver, malgré tout, pas mal de vies. Pas mal de choses, c'est vrai. Donc c'était codifié en Morse, Morse qui a été inventé par Samuel Morse. Puis il y a aussi un homme qui s'appelle Fessenden qui lui a inventé l'AM, l'amplitude de modulation. D'accord. Donc, ça, je donne l'histoire et j'ai voulu construire ce livre à travers l'évolution, l'invention de la radio, de la communication, toute l'avancée jusqu'à aujourd'hui, avec les changements dans la façon de communiquer des gens à travers et la radiocommunication et la radiodiffusion, et en même temps la façon de nous, en tant que humains, grégaires, de communiquer entre nous. On voit que même à l'heure actuelle, même si on prend la radio, regarde, là, on est en train de faire de la radio, et tout en faisant de la radio, on communique aussi par téléphone, parce qu'on reçoit des messages. Tout ça, on l'avait pas à l'époque. Ah donc, non. Ça a changé un petit peu la façon. Voilà, ouais, et même avant le Minitel, ça a changé notre façon de communiquer, de passer. Et ça, je l'explique un petit peu dans le livre, donc l'avènement, l'arrivée d'Internet, le début de la mort, de la fin de la Citizen Band par ce biais-là, le GSM, les GSM et puis les GPS qui ont amené une évolution dans le système, mais qui ont tué aussi à petit feu la CBI, ce côté solidarité sociale, et qui en même temps ont modernisé les moyens de communication tout en étant social, on désociabilisait l'homme, l'être humain, parce qu'il n'y a plus ce contact qu'on avait, comme là on peut l'avoir. Et le contact on l'a ce matin, Citizen Band, on va parler justement de ce bouquin encore avec toi jusqu'à 9h moins le quart. Où trouver ce bouquin? On en parle dans quelques minutes si tu veux bien, Didier. Eh ben, sans problème. La CBI, ce réseau oublié. Notre invité ce matin, Didier Verchère dans les studios de la radio avec le meilleur des souvenirs sur Radio Arc-en-Ciel 96FM. Voici Docteur Alban en 1996 et Docteur Alléluia. va dire qu'on s'est en direct 8h33, le meilleur des souvenirs avec Docteur Al. Bon, alors je sais pas s'il était médecin, mais en tout cas, il chantait bien à l'époque. C'est à la fin, titre, c'est celui-là. Hein. Sing Alléluia, notre invité du jour, c'est Tézanne Bond. Ce bouquin qu'il faut vous procurer, la CBI, ce réseau oublié, c'est Didier Lercher. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant, ça fait un moment déjà, hein. Depuis 7h, il est arrivé dans les studios. Merci pour les croissants, merci pour ce bouquin dédicacé. Après 25 cafés. Après 34 cafés, nous sommes bien dans la radio. Bah, moi, je fais une émission sur le toit de la radio maintenant. Je suis dehors, t'as vu, hein. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. Ah, je vais faire une émission en direct dehors, sur le parking, un de ces jours. Quand j'en ai... Ah bah tiens, chiche. Quand j'aurai les autorisations de la radio. Ah bah, faut que je demande je d'abord. Je pense que ta présidente, elle. Ouais, elle est sympa, ouais, Christine, elle m'aime bien. Elle va me filer. On va faire un rassemblement de cibistes, tiens. Ouais, on fera un petit... Ça serait sympa, ça, non? Ça sympa, ça. Dire aux gens, allez venez nous rejoindre ici à la radio, on fera un petit direct avec les routiers et tout. Il y a de la place pour se garer en plus, les routiers on sont sympas. On sortira les antennes, ouais. les postes, la R12, la R6, la vache. Tiens, la justement, 4L. En parlant d'antennes, moi j'ai une question, là. Il y avait des grosses antennes à l'époque, tu sais, qui faisaient des arcs de cercle, carrément. Ah, la Dakar. C'est quoi ça, comme antenne? La Dakar. Ça servait à quoi? Voilà, ça servait à quelque chose, parce que... Pardon? Ça servait à quelque chose? Ah, bah oui, c'était d'ailleurs une très bonne, très bonne antenne, et elle a pris le nom de Dakar parce qu'elle a servi justement lors des rallyes du Paris-Dakar. Ouais. Les rallyes Paris-Dakar, les premiers rallyes ont été équipés par la société Midland en poste, et ils avaient, enfin pas Midland, mais ils avaient, les fournisseurs avaient sorti cette fameuse antenne qui était assez longue, parce que bon, les antennes, c'est suivant la coupe, une antenne normale de CB. Ça fait combien de mètres? Alors, tu vas rigoler, mais normalement, on module en 27 MHz sur une longueur de 11 mètres. Voilà, c'est une ondulation des ondes, la répétition se fera. Il faudrait qu'on ait une antenne de 11 mètres, c'est impossible. Donc en fait, on retaille l'antenne. Ah. Donc t'as des quarts d'onde, t'as des demi-ondes, t'as des 7/8, des 5/8. Des grosses antennes. Des grandes antennes, alors suivant ce qu'on a en fixe ou en mobile. Et elles sont, la perte qu'il y a dans la longueur de l'antenne est rattrapée par une self. En cuivre, c'est fait, et voilà. Donc, Joël, il me dit, il faudrait faire une soirée avec les cibistes, les routiers, ça serait sympa. Oui, oui, les routiers. Je dis pas la suite parce qu'il me met des messages bizarres des fois. Les routiers sont sympas. Ah ouais, non, mais pourquoi pas après. Non, mais ça serait rigolo de faire ça sur un jour, tiens, une émission en direct avec, on invite des routiers, là, ils s'arrêtent. Il faudrait trouver un endroit où on puisse s'arrêter, quoi, parce que la radio, ça va être compliqué. Ouais, le parking, puis certains, ils passent pas sous le Porsche. Ça passe pas sous le Porsche. Joël, il passe avec sa Porsche. Lui, il viendrait, il m'a dit. On encombrera le faubourg Bannier, ouais. Ouais, ça serait sympa, avec les flics, il sera après nous et tout. La mère de Fleury, je sais pas. Shérif, fais-moi peur, d'ailleurs, c'est le titre. En plus, je dois inviter, il y a la mère de Fleury qui doit venir bientôt, là, dans les studios cette semaine, normalement. Carole Canet, je la salue au passage. Elle va faire la gueule, Carole. Au niveau de la CB, ça a beaucoup été utilisé, notamment dans les films, toutes les Star à l'époque aimait bien ce film. Bébel, il en avait une, c'est Bibi Bébel. Alors Bébel, je me rappelle plus d'un film où il y a une copie Bébel. J'ai plus le souvenir de le voir avec quand il est dans le salaire de, je sais plus, c'est le salaire de la porte. Enfin, je sais plus quel film il avait fait où il était routier. Le Guignolo, peut-être non. Mais bon, à cette époque-là, les metteurs en scène, tout ça, aimaient bien mettre en avant les CB, parce que la CB, elle a été dans la CB style téléphone rose, aussi. Ah ouais, les trucs de fesses, là. Il y a eu un livre. Elle a été énormément dans la chanson, notamment avec, remettre ça, Peter 95, qui a chanté Libellule. Libellule, qui était un morceau. C'est, c'est puissant. C'est que je t'enverrai, tu vas. Tu m'envoies ça, parce que là, je me rappelle pas comme ça. Non, c'est vraiment. Libellule, avec les gros yeux là. Non, il avait fait Tu me copies, enfin c'était un chansonnier, un parolier qui avait fait Tu me copies, d'accord. Libellule et tout. Et il y a eu Dalida qui a chanté la CB, enfin un truc sur la CB, puis beaucoup d'acteurs, et donc notamment les utilisateurs donc sur le Dakar qui ont utilisé les sur le, ah bah sur le Dakar c'était obligatoire à l'époque. Ouais. Enfin, Dakar. Alors sans faire de pub, on peut pas nommer de marque, mais où trouver ce bouquin, comment se procurer le Citizen Band, la CB? Alors il y a plusieurs moyens de se le procurer. Donc il y a certains grands surfaces du web avec un L, avec un, vous savez, sur les cartons il y a un grand sourire, voilà. Ah oui, bah on connaît cette marque, hein. Voilà, il y a ça, il y a trois gros sites sur toutes les librairies, parce qu'on a un numéro ISBN quand on veut on le télécharge, c'est ça? Quand on veut publier un livre et le vendre en librairie, on est obligé d'avoir une immatriculation, donc c'est un numéro ISBN qui s'achète, hein, c'est une homologation, donc c'est une identité qui suit le livre du début à la fin, donc on est référencé au niveau de la du pays au niveau de ça, c'est sa carte d'identité en fait du livre. Mmh. Donc et avec ce numéro, on peut retrouver le livre un petit peu sur internet partout. D'accord. On peut aller dans n'importe quelle librairie avec ce numéro d'ISBN, les libraires peuvent nous retrouver et fournir le livre aux acheteurs. Ouais. Donc il y a ce moyen là. Il y a le moyen de l'avoir directement avec notre maison d'imprimerie, mmh. donc The Book Edition, qui est la société imprimerie qui nous imprime le livre, parce qu'on est en auto-édition, c'est-à-dire qu'on n'a pas de maison d'édition, on est nos propres éditeurs. Ah, c'est vous, voilà. Et on fait notre propre, c'est pour ça qu'on arrose en ce moment un petit peu. Vous êtes partout. Bah, et on s'en excuse un petit peu à l'avance, mais on est obligé de faire notre promotion. Comme ça on rencontre des gens à la radio, à la télé, France Bleu, France 3, partout, ouais, c'est bien ça. Radio Arc-en-Ciel et autres, pour faire la promotion du livre. Bah, c'est ça. Et puis on fait des radios aussi, hein, faire de la promo. Voilà, tout à fait, des radios. Comme un artiste qui sort un nouveau single ou un voilà, exactement, voilà. c'est le même système. Ah oui, c'est un bouquin. Donc on en fait la promo, alors on peut se le produire là, et puis si les gens souhaitent l'avoir en personnalisé, on peut nous le commander directement à nous. Donc on en a quelques-uns en réserve d'avance, puis des fois on a. Bah justement, tu dis en personnalisé, vous serez au Festival de Loire, c'est ça que tu me dis ? Oui, je serai au Festival de Loire. Au stand des Compagnons Chalandiers, j'ai été gentiment convié à y aller. Et on attend une réponse de Sébastien. Si tu m'écoutes, envoie-nous la réponse pour savoir le grand rassemblement des camions, si nous pourrons être avec toi ou pas. Ouais. On a besoin de savoir la réponse pour commander des livres. Voilà, il faut les éditer et les imprimer avant. Okay. Donc le message est passé. Voilà. Et donc en même temps, c'est faire la promo du livre. Donc on peut nous l'acheter directement en nous appelant ou en communiquant avec nous en MP, donc en message privé sur les Facebook. Facebook normalement. Voilà, bon, c'est règlement par une certaine société sécurisée, mmh. qui commence par un P. après, bon, ça peut être du chèque, ça peut être virement bancaire. Donc là, en liquide, on peut payer en liquide. Ça se fait aussi, mais c'est rare. Le liquide devient de plus en plus rare. Ouais, c'est vrai. Il y a plus de blagues. Il y a plus d'espèces. Et l'avantage, c'est que la personne, comme je te l'ai fait ce matin, on la dédicace directement à la personne. Donc ouais. Ça, et d'ailleurs, à ce petit truc-là, je me suis amusé juste avant de venir. Enfin, je l'ai fait hier. J'ai mis dans une bibliothèque free. Tu sais, les bibliothèques maintenant qu'on trouve un petit peu dans toutes les rues, ah ouais. dans les anciennes cabines et tout ça. Ah, il y en a disponible. Voilà. Il y en a un qui est mis. On fait déjà ça là. Alors, dans quelle ville? Parce qu'on va. Orléans. J'en ai mis un hier dans une cabine free. Je suis repassé. On va dire 2h30 après. Il y était. Plus. Alors qui a piqué le bouquin ? Alors non, enfin, le bouquin je l'ai offert, enfin je l'ai mis. Comme à la fin de ce livre, il y a 2 ou 3 pages blanches, il y a la possibilité de le signer. Alors l'idée, elle est de le faire c'est une bouteille quoi, c'est un petit peu la bouteille à la mer. Ouais. Le message, c'est de le faire circuler, d'avoir la signature. Et comme j'ai mis mon adresse mail là-dessus, chaque personne m'envoie un mail, me dit où il a eu le livre, comme ça je peux tenter de le suivre, peut m'envoyer éventuellement une photo et on met sur notre page des photos. D'ailleurs je salue à ce niveau-là, je te l'ai fait voir quand je suis arrivé. Voilà, on fait un petit tour de France, un petit tour du monde de nos lecteurs. Donc chaque lecteur, on lui met un petit mot en lui demandant de nous envoyer une photo du livre de là où il se trouve. Mmh. Et là ce matin, j'ai eu l'agréable surprise de savoir que le livre a mis 15 jours pour arriver à Nouméa. Il a fait 16 850 km. Il est arrivé et il y a une photo, il y a plusieurs photos, mais dont une que je t'ai fait voir devant le panneau de Nouméa. Ah ouais, magnifique. Elle est sympathique. Bon ce bouquin, donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est 20 balles. Moi j'ai vu le prix, hein, c'est pour ça. Donc, voilà, ça va, donc on a un prix qui est fixe. Voilà, parce que ça a un coût de fabrication, bah oui. Il y a un travail derrière. Du boulot. Un livre, ouais. Ça se fait pas en 15 jours, 3 semaines. On n'a pas de. Bah ça dépend des livres, hein. S'il y a un livre avec des images, ça va vite. Oui, ça va vite. Ça va vite. Moi je vais faire un bouquin d'images. Oui, ça se fait aussi. Hein. Ah ouais, avec Joël, apparemment que Joël il veut qu'on écrive un bouquin d'images. Ah ouais. Voilà, donc on va le faire bientôt. Bah, des fois ça va plus vite aussi à lire. Ah, ça va être vite, j'avais pour lire. Ouais. Celui-là. Ouais. Et donc après voilà, c'est le fait de le faire, c'est un an, moi ça a été un an et demi de recherche, d'écriture. Tu m'étonnes. C'est du boulot, hein. Il faut, ouais, c'est énormément de travail. Ah, il faut respecter le travail, donc c'est logique, hein. Voilà. Tout travail mérite salaire. Il faut respecter salaire. Le lecteur. Ça moi, je pense qu'il faut respecter le lecteur aussi dans le sens qu'il faut pas que ce soit des livres qui soient trop lourds à trop lire. Chargés, ouais. Voilà, c'est. Il faut qu'ils arrivent à le lire aussi surtout. Nos lecteurs, voilà, c'est monsieur et madame tout le monde. Ouais. Donc on l'a écrit en police d'écriture. Assez gros. Ouais, parce que moi je suis bigleux, moi. Donc de manière à ce que toute personne qui a des problèmes de nécessité ou autre puisse un petit peu le lire, enfin nécessité de visuel, ouais. Que ça soit agréable. Et puis en même temps, ça permet d'écrire 3 pages, et quand on met une lettre par page, ça permet de faire 216 pages. Ouais, il y a Gilbert, il nous envoie un message, bon, il trouve pas le bouquin encore. Hein. Ah, on l'a pas fait Gilbert, en moyen. Gilbert, il cherche pas. Par contre, on m'a demandé, mais c'est extrêmement cher. C'est lourd, hein, bien sûr. On m'a demandé de le traduire. En italien et en anglais. Alors, en anglais peut-être, mais en italien, waouh. C'est du taf. Puis les Italiens, ils n'ont pas la même façon d'écrire que nous et de traduire. On le voit sur certaines notices. Je n'irai pas plus loin, mais les traductions, c'est pas ça. Ah, tu mets une photo de spaghetti à gauche, de pizza. Une pizza. Bah, tiens, pourquoi pas. Une boîte avec. Bon, je vais te laisser le mot de la fin, si tu veux, 8h moins le quart. 9h moins le quart, allez, voilà. Une heure et demie d'antenne. Juste avant que de te laisser, enfin de vous laisser, rappeler qu'on sera sur les antennes de Sébastien Ponchelet, donc 107.7. Ah, ouais. Radio Vinci. Radio Vinci, on sera mercredi soir, donc je donne rendez-vous à tous les lessivistes, hommes et femmes. Les amoureux de la radio-communication, d'être sur les ondes de 107.7 sur Autoroute FM dans l'émission de Sébastien. Les routiers sont toujours aussi sympas. Voilà, on fera une petite interview. Ça va être sympa, toi. Mercredi, c'est ça? C'est mercredi entre 9h, 21h et 23h. Ah, je vais écouter, moi. Je vais écouter sur le web. On fera quelques passages. Voilà, il y a trois séquences. Okay. On est chacun fréquent. Bon, ce sera du live, mais ce sera du live par téléphone. Et voilà, par téléphone. Sinon, la prochaine date de rendez-vous en Orléans, ça sera au Festival de Loire ou il y a autre chose? Alors, la prochaine date, la plus proche pour moi, c'est effectivement le Festival de Loire au stand des Compagnons Chalandiers. Ouais. Peut-être le week-end du côté de la Sarthe sur un gros événement routier, mais pour l'instant, on n'a pas la réponse encore sûre. Avec les autoroutes Vinci et France Route, pour l'instant, c'est pas encore finalisé. Peut-être d'un coup, peut-être maintenant. Et moi, je serai après en dédicace au mois d'octobre aussi. J'ai 2 dédicaces déjà d'assurer au niveau d'un centre commercial. Je sais pas si un centre commercial. Avec un L. Voilà, avec un L. Non, je suis désolé. Non, mais il m'engueule après. Voilà, c'est un truc, c'est assez clair. Ah, c'est ça, je m'en fous. Voilà, c'est très clair. Et quand on en parle. Et donc en même temps, voilà, il y aura une séance dédicace dans leur rayon librairie, ben voilà. Du côté d'Olivier et du côté chez Sid. C'est facile à trouver, non? Voilà. Avec un L, attends. Ouais. Et j'ai deux ou trois autres confirmations qui arrivent. Et il y aura une réédition de mon premier livre pour les périodes de Noël. Et un troisième qui arrive avant de se quitter, c'est ça? Un troisième bouquin, tu m'as dit? Non, c'est le troisième. C'est le troisième. Donc t'arrêtes alors là? Pardon. Au niveau de la CIBI, Non, mais les bouquins t'arrêtes? Oui, c'est beaucoup de travail. Je suis pas un écrivain, je veux dire, de nature. Je l'ai fait parce que je souhaitais qu'on en parle et avoir ce témoignage, parce que comme ce sont des choses qui s'oublient, bon, on veut être quand même les témoins de ce qui s'est passé. Donc par le biais de ce livre, de tout ce qui est réseau social, YouTube et tout ça, on peut arriver à avoir et permettre aux nouveaux de pouvoir avoir des sources d'informations. Alors les seules photos qu'il y a sur le bouquin, c'est toi avec tes co-auteurs. T'étais beau gosse à l'époque, t'étais jeune là sur le bouquin. Ah ouais, j'étais jeune et beau. Hein, pardon. Ah, voilà, sur la photo de face. Hey, franchement, t'as morflé. Hein. T'as vu. Merci pour toi. Là, j'avais une trentaine d'années. Là, Rien à voir, hein, t'étais mannequin. J'étais dans le milieu ambulancier en même temps. Ouais, t'étais pas mannequin là, parce que là. Les deux, hein, c'est à peu près à la même époque. Ouais. Et puis Ludivine et Jean-Guy, c'est un petit peu plus des photos de récentes. Bon, ça va, ça passe. Ah ouais. Donc pas facile de trouver une photo, de trouver ce qui c'est parle, sûr. Un truc qui parle et puis. Bon, en tout cas, on a passé un bon moment avec toi, Didier. Ouais, c'est super sympa. Ah bon, il est 8h40. Presque 9h, t'as vu. Presque 9h. Bah, on rigole pas nous la radio. 15 cafés, 3 sucres par café. Ouais, on n'est pas du tout énervé. Non, pas du tout. Donc, j'embrasse tout le monde. Je vous remercie de votre écoute. Je remercie donc la radio Arc-en-Ciel sur 96.2. Bienvenue à chaque fois. Ouais, on t'invite. Bien, c'est très cool. C'est la famille ici. Et puis j'espère te voir éventuellement au Festival de Loire. Ah bah j'y serai parce que j'attends justement que Monsieur Gabel me réponde. Oui Jean-Pierre. Ça fait une semaine que si tu nous écoutes. Je vais rappeler Martine Griveaux. Oui, elle est à la retraite maintenant. Ah, Martine. Je la salue. Elle a bien bossé. Super bonne femme en tout cas. J'adore cette équipe du festival. Et elle m'a dit t'inquiète pas, il va t'appeler Jean-Pierre. Bon bah j'attends. Et puis j'en profite à souhaiter un très bon courage à Nadège et son OM, Jeff, pour la préparation du Festival de Loire, cette grosse festivité là. Ouais. On va se marrer. On espère avoir beaucoup de monde. Bon, ça va être un petit peu plus difficile avec le Covid et le pass et tout ça. Ouais, je sais pas comment on va faire. Mais voilà, n'hésitez pas, venez nous voir. C'est une formidable concentration, plus gros rassemblement fluvial marin. Ah, j'espère qu'il y aura assez d'eau. Elle est un petit peu basse, mais bon, d'après les mariniers que je connais, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Sinon, on met des bateaux avec des roues. Sinon, il va être obligé de demander du côté de l'amont là, de lâcher un petit peu. Voilà. Faire un petit peu de lâcher. Non, mais bon, ça devrait aller pour faire quelques ronds dans l'eau, quelques promenades. Voilà. N'hésitez pas, venez nous voir, venez manger une petite frite, boire un petit verre de blanc de la région. C'est bien. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le matin, oui, mais c'est juste un verre après l'autre. Après, pas tous les verres en même temps. Boire ou conduire, il faut choisir. Exactement. Moi, j'ai choisi, je bois et je conduis. Voilà. Faites attention sur la route. 8h47. Merci, Didier Verchère. Ben, merci à toi, Francky. Mmh. Ça a été un très bon réveil pour moi ce matin. Bon, moi aussi, tu vois, on va se retrouver avec le Portugal. On va faire un tour du côté du Portugal. Et ben voilà, on va aller du côté de. Alors, on va dire Bondéa. Voilà, ben Bondéa. Obrigado. Voilà. Salut, Didier Verchère, notre invité ce matin. Je vous rappelle merci le livre. À toi. Citizen Band, la Sibis. Réseau oublié d'Ili Verchère, Ludivine Marie et Jean-Guy Brett, voilà les co-créateurs. La préface de Sébastien Ponchelet, animateur sur Radio Wincy Autoroute. Les routiers sont toujours aussi sympas. Et c'est vrai qu'ils sont sympas. Salut nos amis les routiers, je les salue ce matin. Parce qu'il y en a qui les écoutent quand même. Hein. Allez, la bonne roulade et la prudence. Bye bye. Didier Verchère, c'était ce matin sur Radio Concert 96 FM. Será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, pequeña. Échate para allá. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Michel. Passez une excellente journée. Rendez-vous demain, 7h, 9h, avec le meilleur de la musique. Et puis les invités, encore surprise. Normalement, cette semaine, la mère de Fleury sera notre invité. On aura aussi le Festival de Loire. On a plein de choses. Fabien Dumas sera là. Normalement, Stéphanie aussi. Plein de belles choses. Rendez-vous demain, 7h, 9h, sur la Radio Couleur. Et c'est direction Salle Portugal avec RDP International.